fume la frappe au soleil, j'ai même plus sommeil. Sur la route de la vie, j'ai fait un gros soleil. Je suis pété à l'hôtel, je fume tarpé en ce moment. Puis je roule des gros terres, mais j'ai arrêté la bouteille. Ça va se caler un bon film, je vais aller à la lime. Il fait tarpé chaud, vas-y bébé, mets la clim. Elle m'a rendu parano, la rue m'a pas fait cadeau. Le matin on se lève tôt, charbonné pour le zéyo. Faut du zéyo, faut du zéyo, faut du zéyo, faut du zéyo, faut du zéyo, faut du zéyo, faut du zéyo, faut du zéyo. Tu le sais au quartier, poteau c'est plus comme avant. J'en tracé en 2-2, y'a le couss qui m'attend. J'ai déjà touché des sommes, j'ai toujours fait l'homme. Juste une plaquette et j'écris un album. Ces salopes elles te donnent, elles sont pleines de coques. Dès que j'ai le buzz, ces putains s'envoient d'époque. J'ai traversé les époques, sur le dos d'un TDM. J'suis pas un vendeur, toi t'aimes bien les BDH. Elle m'a rendu parano, la rue m'a pas fait cadeau.